Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! Prenez deux lentilles de verre, ajoutez un oculaire et un objectif, trouvez de quoi faire la mise au point. Sur le porte-échantillon, placez votre lame mince. Dirigez la lumière sur l'échantillon, observez. C'est la vie qui apparaît sous vos yeux dans ce qu'elle a de caché, et c'est un microscope qui vous a permis de faire cette expérience. Si aujourd'hui, le microscope semble indissociable de la recherche scientifique, il a pourtant fallu attendre le XVIe siècle pour qu'il soit inventé et qu'il révolutionne en détail notre compréhension du vivant. Microscope, la face cachée de la vie, c'est le programme à la loupe qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette invention du microscope, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Frédéric Aïtouati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne des sciences et de la littérature, chargée de recherche au CNRS. Nous sommes en ligne également avec Paolo Brenni. Buonasera, Paolo. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de la Société des instruments scientifiques, ancien chercheur en histoire des instruments scientifiques et collaborateur au musée Galilée de Florence. Et avec nous enfin, Marc-André Sellos, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste et professeur au Muséum d'histoire naturelle. Alors, on va se plonger tout de suite dans l'histoire de cette invention des microscopes avec vous, Paolo Brenni. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous expliquer de façon, pour l'instant encore schématique, comment ça marche un microscope ? Ben, un microscope, en principe, c'est très simple. Surtout le microscope optique classique, il y a un spécimen généralement transparent. Donc, on peut l'illuminer en le faisant traverser par de la lumière. La lumière pénètre dans l'objectif qui produit un agrandissement qu'on regarde avec un oculaire. Donc, en principe, de lentilles avec le microscope qu'on connaît. Mais généralement, et on va en parler tout à l'heure, les microscopes les plus efficaces, au moins jusqu'au 19e siècle, ce n'est qu'une petite lentille. Ce sont des microscopes simples, ce n'est pas des microscopes composés. Les microscopes composés qui ont deux lentilles. J'aimerais savoir, Paolo Brenni, qui a eu l'idée en premier de fabriquer un microscope ? Je crois que là-dessus, il y a une sorte de flou, de controverse. Alors, comme toutes les inventions, on trouve beaucoup de pères ou de mères. Mais en tout cas, il y a beaucoup de parents. Disons, les lentilles, on les connaît depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, on utilise des reading stones, des pierres à lire. Par exemple, pour regarder les textes des manuscrits, c'est des cristaux concaves, ou bien pour regarder les menus restes dans les reliques. Mais disons, on connaît déjà couramment au XIIIe siècle des lunettes. Le microscope date de la fin du XVIe siècle et l'invention, disons ainsi, paraît qu'il vienne de Zacharia Janssen, qui était un Hollandais. Et qui était opticien, lui. Opticien. Il était opticien, évidemment. Mmh. Il était opticien comme beaucoup, comme les personnes qui construisaient les lunettes. Il faut penser, les lunettes, ce n'était pas sophistiqué comme aujourd'hui, mais au fond, ce n'est pas trop différent. On allait chez l'opticien, il vous proposait toute une série de lunettes, et celle qui allait mieux, on vous construisait les lunettes chez vous. Voilà. Mmh. Disons que Galilée s'est occupé aussi du microscope composé, déjà ce qui était au fond assez semblable à sa lunette. On a encore un autre inventeur hollandais, Cornelius Drebbel. La nouvelle du microscope se répand. Les gens de l'Académie del Cimento font des observations. On donne au microscope son nom, voilà, au début du XVIIe siècle. Et on commence à faire des observations. Par exemple, Marcello Malpighi observe les capillaires dans les structures des poumons d'une grenouille. Mais fondamentalement, on commence à utiliser le microscope de façon systématique avec Robert Hooke et Anthony von Leeuwenhoek. Et on y viendra tout à l'heure à ces deux grandes figures. À quoi ressemble Paolo Breni, le premier microscope? Est-ce que vous pourriez nous le décrire, puisque malheureusement, nous n'avons pas l'image? Écoutez, les tout premiers microscopes qui étaient tout à fait simples, c'était des tubes en carton, parfois avec un tirage télescopique, avec de lentilles au bout, avec lesquelles on regardait un objet qui était illuminé, je ne sais pas, par une fenêtre, par une lampe. Ça, c'était les tout premiers microscopes composés. Par contre, les premiers microscopes simples, ceux de Anthony von Leeuwenhoek, qui étaient les plus efficaces, si on les voit et on ne connaît pas l'histoire du microscope, on ne les reconnaît pas comme tels. Oui, parce que ça va complètement à l'encontre de l'image qu'on se fait du microscope. Ce type de microscopes-là sont tout petits. Tout à fait, tout petit. Une plaquette de métal de, disons, 10 cm sur 3 ou 4, avec un tout petit trou et une espèce de vis pointue sur laquelle on mettait l'objet, la mouche ou le petit brin de feuille à observer. Quelles étaient les capacités de grossissement des tout premiers microscopes Paolo Breni? C'était déjà quelques centaines de fois, puisque Leeuwenhoek a fait des observations déjà d'objets microscopiques comme les protozoaires, les bactéries, etc. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement les agrandissements qui comptent. Il y a autre chose qui nous fournissent la qualité et le pouvoir d'un microscope. Et c'est amusant ce que vous disiez tout à l'heure, Paolo Breni, sur Galilée, c'est que sans lunettes astronomiques, il n'y aurait pas eu de microscope. Alors c'est le même principe pour voir très loin et voir très proche? Disons, il faut aussi pour voir très loin et très proche de lentilles. Là, la chose nous semble très simple, puisque si on regarde une lunette galiléenne ou un des tout premiers microscopes à de lentilles, on se dit comment on n'est pas arrivé avant. Mais le problème, il y a pas seulement la technique, mais il y a aussi tout le contexte. Juste pour dire, la lunette, Galilée, c'est le premier qui l'utilise comme instrument astronomique efficace. À l'époque, encore beaucoup de monde pensait que la lunette, ce n'était qu'un jeu d'optique. Ce qu'on voyait à travers la lunette, c'était un leurre, c'était une espèce de mensonge, de mirage. De mirage, mais ce n'était pas la réalité. Il faut aussi convaincre les gens que ce que l'on voit, c'est quelque chose qui existe, simplement agrandi. Avant d'en arriver à l'usage qu'ont pu en faire les scientifiques de ces premiers microscopes, Marc-André Sellos, j'aimerais qu'on ait une petite idée de l'image, de la représentation qu'avaient les biologistes de la structure du vivant avant de pouvoir l'ausculter à la loupe. Ils en avaient une image qui est d'ailleurs pas forcément très lointaine de l'image qu'on en a au quotidien quand on n'a pas fait de biologie. Ils voyaient ce qu'ils voyaient avec leurs yeux ou en tout cas avec une loupe. Donc ils n'avaient accès absolument à aucun des détails de l'ultrastructure, de la composition des grands organismes. Mais bien plus, ils ignoraient complètement la diversité et l'omniprésence du monde microbien. Un monde microbien dont on a même encore aujourd'hui beaucoup de mal, là il y a aussi une révolution copernicienne qui tarde à se faire, dont on a beaucoup de mal à prendre conscience. Songez que dans l'océan, par exemple, 90% de la biomasse vivante, elle est microbienne, elle est faite d'unicellulaires ou d'organismes faits de quelques cellules. Et donc, le microscope, il va ouvrir la voie non seulement à comprendre les entrailles, l'intimité des grands organismes, et notamment la notion de cellules, mais aussi, il va permettre de comprendre qu'il y a plein d'autres choses vivantes que les choses qui sont visibles à l'œil nu. Et cette entrée dans le monde microbien, c'est absolument tout, et c'est tout en biologie. Parce que ces microbes, non seulement ils sont nombreux, mais ils sont de lignées extrêmement diverses, qui vivent de façon différente et qui vraiment constituent notre monde et la chimie minérale du monde est complètement imbibée, la composition de l'atmosphère est faite par eux. Donc c'est vraiment des choses intéressantes à comprendre parce qu'elles ont une puissance explicative énorme. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui dans une salle de TP, la première chose qu'il y a comme équipement, hein, c'est un microscope. Parce qu'il est encore vrai que l'accès au monde vivant, c'est l'accès au microscopique. J'ai appelé la police. Mais qu'est-ce que t'as sur la tête? Je cherche les enfants. Où ça? Au fond de la mine? Et ils sont dans le jardin. Ils sont dans le jardin? Yann, j'ai quelque chose d'important à te dire. France Culture. J'ai rapetissé les enfants. Quoi? Et les gosses Thompson aussi, ils font 6 mm, ils se trouvent dans le jardin. Eureka. Quoi? Je les ai balancés avec les ordures. Reste là, je vais arranger ça. Antoine Beauchamp. Chérie, j'ai rétréci les gosses, chérie, j'ai rétréci la nature. Et pour comprendre la révolution qu'a représenté l'invention du microscope, il faut attendre les années 1660 et l'arrivée d'un certain Robert Hooke, auteur d'un livre fondateur pour la microscopie. Et cet ouvrage s'intitule « Micrographia ». J'ai pris un beau morceau de liège clair que j'ai coupé en un fragment extrêmement fin avec un couteau aiguisé comme un rasoir. Je l'ai posé sur un porte-objet noir. J'ai projeté de la lumière sur ce fragment à l'aide d'un verre plan convexe, épais, et j'ai pu voir, avec une netteté extrême, que ce fragment était perforé et poreux, ressemblant à un nid d'abeille, mais ses pores n'étaient pas réguliers. Ses pores, ou cellules, n'était pas très profond, mais consistait en un grand nombre de petites boîtes disposées en fil. Frédéric Aitouati, on vient d'entendre un extrait de cet ouvrage Micrographia qui a été écrit par Robert Hooke. Alors, on peut peut-être commencer par rappeler qui était Robert Hooke, dont on a déjà parlé hier dans notre émission consacrée à la gravitation, qui était une figure majeure de la science à cette époque-là. Oui, alors Robert Hooke, c'est l'un des membres les plus importants de la Royal Society de Londres. Très important parce que il est ce qu'on appelle à l'époque le curator of experiments, c'est-à-dire en quelque sorte l'expérimentateur en chef. C'est lui qui met en scène les expériences. C'est lui qui s'occupe des instruments et notamment des instruments optiques. Et c'est lui qui écrit ce fameux livre dont vous nous avez lu un extrait, Micrographia, qu'il publie en 1665, et c'est l'une des premières publications de la Royal Society, et c'est aussi un petit peu leur porte-drapeau. C'est aussi un livre qui déploie et qui développe la méthode baconienne et expérimentaliste de la Royal Society. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste cet ouvrage Micrographia et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors déjà, je voudrais dire aux auditeurs, puisqu'on est à la radio, d'aller voir s'ils le peuvent, c'est facile, c'est sur Internet. C'est vraiment fascinant. Micrographia, c'est fascinant, c'est un des plus beaux livres à mon sens. Je crois que c'est le livre qui m'a donné envie de faire de l'histoire des sciences, pour tout vous dire. C'est un extraordinaire livre d'images. On peut en trouver d'ailleurs des facsimilés facilement aussi sur Internet. C'est un livre qui déploie l'univers comme on l'a jamais vu, avec des gravures d'une précision et d'une beauté stupéfiante. Et des gravures, donc des images d'insectes, mais aussi de liège, vous l'avez dit, mais aussi de flocons, de neige. Voilà. Donc en fait, c'est un ouvrage qui se présente comme la découverte d'un nouveau monde. Et c'est ce que dit Robert Hooke dans la préface. Il dit voilà, c'est comme un nouveau monde. Et il utilise volontairement l'image des grandes découvertes en disant voilà, on n'a jamais vu le monde comme ça. Et grâce à mon microscope, je vais vous faire découvrir ce que vous n'avez jamais vu. Et vous croyez que les insectes, les mouches et autres moustiques, c'est inintéressant. Et en fait, ce sont des merveilles. Et son livre est une démonstration du caractère merveilleux du micro-monde. Frédéric Aitouati, Micrographia, c'est un tournant majeur dans l'histoire des sciences et je crois que c'est un succès immédiat auprès d'un large public. Oui, alors c'est un livre qui fascine hein, puisqu'il montre ce qu'on n'a jamais vu et puis surtout, comme je vous le disais, c'est un livre qui essaye de prouver ce que Bacon, le grand Francis Bacon, avait proposé une génération plus tôt, à savoir l'idée que la science pour être forte, doit être équipée, c'est-à-dire doit être instrumentée. Voilà, donc il y a cette idée très belle qui est vraiment un tournant, le tournant de l'expérimentalisme, et c'est aussi l'idée que les sens de l'homme sont finalement trop faibles à cause de la chute d'Adam et Ève, et qu'on doit avoir des prothèses pour pouvoir voir plus loin. Donc c'est vraiment un tournant majeur, c'est l'expérimentalisme anglais, c'est le baconianisme, et c'est aussi le début d'un rapport, je dirais, instrumenté à la nature. Marc-André Sellos, vous souhaitiez réagir? Oui, alors bon, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, mais il faut vraiment se mettre, pour ne pas faire d'erreur d'interprétation, dans la peau de ces observateurs, et de se rendre compte que ce qu'ils voient, bon, ils ne l'ont jamais vu, rien dans le macroscopique ne permet de l'interpréter, et ils vont être en quelque sorte perdus, enfin en tout cas c'est l'interprétation qu'on peut donner a posteriori maintenant. Anthony von Leeuwenhoek par exemple, il va essayer de regarder ce qui est piquant dans le poivre, et il va donc broyer du poivre et le regarder au microscope. Bon, évidemment, il va pas vraiment trouver la réponse à sa question, il mais va pas trouver d'épines. Si le piquant, c'est pas visible, voilà. Ouais. De la même façon, observant ses propres spermatozoïdes, il en donne un dessin où il y a comme un petit homoncule à l'intérieur, parce qu'il a, bon, il y a peut-être a-t-il vu quelque chose qui ressemblait à ça. C'est avec son microscope qui grossissait 300 fois, on voit pas très très bien ce qui se passe à l'intérieur d'un spermatozoïde humain. Et donc, il va avoir une espèce de petit homoncule, ce qui posera la question de se demander si cet homoncule n'a pas lui aussi des testicules dans lesquels il y a des spermatozoïdes, dans lesquels il y a un homoncule, etc., etc. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que cette histoire-là, elle a laissé des traces. C'est de là que vient l'expression « le papa donne une petite graine à la maman ». L'image étant que le spermatozoïde, c'est le futur fœtus. Donc, les gens vont être perdus, et d'ailleurs, sans anticiper sur la suite de ce qu'on pourra raconter dans l'histoire, on va voir un espèce de... entre les années 1650 quoi, et les années 1800, il ne va rien se passer, parce qu'en dehors d'accumuler des descriptions, on ne sait pas très bien quel sens donner à ça. Et quand Hooke voit les premières cellules, il est très loin dans ce qu'il appelle cellule, puisque c'est lui qui propose ce nom, dans le Liège, il est très très loin d'imaginer ce que c'est. Enfin, ça n'est pas du tout synonyme dans sa tête de ce que ça veut dire pour nous. Oui, il évoque la cellule, mais ce n'est pas du tout la naissance de la théorie cellulaire, c'est presque un faux ami dans ses mots. En tout cas, pour nous, vu de maintenant, à la suite de la formulation de la théorie cellulaire dans les années 1837-39, on a une toute autre vision de ce qu'est la cellule. Lui, il voit une petite loge, une petite pièce. Celle-là, c'est la pièce en latin, et il appelle ça une petite pièce. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à cet ouvrage Micrographia, qui est quand même majeur et qui incarne aussi, Frédéric Aitouati, une nouvelle façon de communiquer sur les découvertes. D'habitude, à cette époque, on prouve par des expériences publiques ce qu'on avance. Là, il y a vraiment un changement dans la façon de faire de la science et de la démontrer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est l'un des noms qu'on a donné au microscope, et en particulier à la petite lame sur laquelle, en tout cas dans le type de microscope utilisé par Hooke, la petite lame sur laquelle on place toujours d'ailleurs la chose à observer, on l'appelait the stage, la scène. Et je trouve que c'est très parlant, puisque on peut considérer d'ailleurs que l'ouvrage Micrographia est une espèce de théâtre, au sens d'ailleurs de la Renaissance. Theatrum, c'est des livres encyclopédiques. On a des Theatrum Insectorum, qui sont des livres incroyables où on donne à voir comme ça le petit théâtre de la nature. Et vraiment, Hooke va pousser à un niveau très, très, très, très puissant cette mise en scène de la nature. C'est pour ça que ces images, d'ailleurs, certaines de ces gravures doivent être dépliées. Et on est face à face, par exemple, à une tête de mouche qui est aussi grosse que la tête de la personne qui lit. On se retrouve avec un pouls qui est énorme. Voilà. Donc il y a cette espèce de spectacularisation qui est aussi en anglais on dit magnification, une magnification dans tous les sens du terme. Mais c'est lié bien sûr à ce contexte épistémologique dont vous parlez, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est le moment où l'expérimentalisme fonde l'idée de preuve sur le partage, sur la démonstration publique. Et cette démonstration publique, évidemment, n'est pas possible avec le microscope, puisque chacun doit être placé devant le microscope pour voir ce qui s'y passe. On pourrait donc considérer que les images de Hooke remplacent, en quelque sorte, la démonstration publique impossible. Et Frédéric Aïtouati, dans l'avènement du microscope et dans Micrographia, il y a quelque chose, une question que je me posais. Est-ce qu'on assiste là aussi à la naissance d'une nouvelle façon de communiquer les sciences par l'image? Ah mais c'est certain, ça remonte à plus loin encore une fois, mais en tout cas la place prise par l'image scientifique, et je pense que Marc-André Sellos pourrait développer ce point beaucoup mieux, la place prise par la preuve visuelle est immense, et c'est vraiment l'un des débuts possibles de cette fonction, je dirais, de démonstration et de preuve dans les articles de science, puisque l'image fait démonstration en quelque sorte. Donc il y a un texte, c'est un livre d'images et de textes, mais le texte décrit précisément déjà les outils, montre comment est faite l'expérience, puisque chaque observation est décrite presque comme une expérience, et ensuite chaque image est très précisément lettrée. Il dit voilà, ça c'est telle partie de l'animal, telle autre partie. Donc on a vraiment ce côté, cette mise en place d'une démonstration par l'image scientifique qu'on pourrait appeler une inscription. C'est vraiment quelque chose qui ensuite va être essentiel, bien sûr, dans les articles scientifiques tels qu'ils se mettent en place petit à petit. Marc-André Sellos. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait encore exact. On aime bien aujourd'hui dans les articles scientifiques avoir une photo de ce qui a été vu au microscope, de la localisation d'une structure. Et d'une façon générale, c'est assez amusant parce que ce n'est pas une preuve. La vraie preuve, c'est qu'on peut refaire la même observation plusieurs fois. Donc la vraie preuve, ce serait d'aligner 1000 photos. Ça devient d'ailleurs, entre parenthèses, possible maintenant avec les annexes électroniques des publications scientifiques. Mais on a finalement gardé de notre habitude macroscopique cette envie, même quand c'est pas visible à l'œil nu, d'avoir une visualisation. Au reste, moi je fustige pas du tout ça. Mmh. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle encore, on souffre beaucoup d'une perte de savoir-faire en microscopie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles où on aimerait bien avoir un petit peu, au-delà des spéculations indirectes qui mènent à considérer telle ou telle structure ou tel phénomène, on aimerait bien voir l'image. On ne se refait pas, il faut toujours le voir pour le croire. Eh bien oui, on n'arrive pas finalement à se défaire de nos habitudes du macroscopique. Paolo Brenni, on évoquait tout à l'heure une autre grande figure de la microscopie et de ses prémices de la microscopie, c'est Anthony von Leeuwenhoek. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qui il était et quelles améliorations il a apportées à ses premiers microscopes? Alors, Leeuwenhoek, c'est vraiment tout autre chose par rapport à Hooke. Hooke, c'est un savant reconnu qui a été même défini parfois, peut-être un peu en exagérant, de Leonardo anglais. Mm-hmm. Leeuwenhoek est un drapier, un commerçant. Un commerçant qui, par curiosité, devient savant. Devient savant et il fait des... il pouvait le faire, comme beaucoup de commerçants. À l'époque, il avait de la fortune, il pouvait se dédier aussi à ses passions. Et il fait quand même des observations extraordinaires. Peut-être aussi puisqu'il n'a pas de préjugés, il connaît rien ou très peu en science. Et il découvre les protozoaires, les micro-organismes, il observe les spermatozoïdes, il observe le sang et les bactéries. Donc il fait des observations extraordinaires avec un instrument extrêmement simple, dont on pensait qu'il contenait un secret. En effet, le microscope de Leeuwenhoek, la plupart des microscopes de Leeuwenhoek, c'est des microscopes simples. Alors, deux plaquettes de laiton ou d'argent entre lesquelles il y a une lentille et un trou qui permet de regarder à travers la lentille. Mais le secret, c'est comment faire une simple lentille si efficace, puisque les microscopes de Leeuwenhoek peuvent agrandir jusqu'à 300 fois. Mmh. Ils peuvent voir dans l'ordre d'un nanomètre, etc. Alors, on a beaucoup discuté, et seulement tout récemment, on est sûr, puisqu'on a fait des analyses non destructives des appareils de Leeuwenhoek, et on sait comment il a fait ses lentilles. Alors, une partie était faite comme les lentilles des lunettes. Donc, avec abrasion, avec une grande patience. Mais probablement celle plus efficace, était faite dans avec un système beaucoup plus simple que personne ne connaissait, même si probablement d'autres gens comme Hook l'utilisaient. Il prenait une baguette de verre, il la mettait sur une lampe à alcool, il tirait un fil, il cassait le fil et il mettait le bout de cette fil dans la lampe encore. Et vous pouvez, c'est une expérience facile à faire, vous pouvez voir que le bout fond et produit une toute petite sphère. Cette sphère, on la mettait entre les deux plaquettes métalliques et c'était la lentille à travers laquelle on regardait. Aussi, Louvenhoek savait exactement quel était le diaphragme, ça veut dire le diamètre de l'ouverture pour avoir les meilleurs effets. Donc, pendant très longtemps, ces microscopes ont été les meilleurs pour ce genre d'observation. Marc-André Sellos, Paolo Breni l'évoquait à l'instant, la série des découvertes réalisées par von Leeuwenhoek. Est-ce que vous pourriez rajouter éventuellement quelques-unes de ces découvertes à cette liste qui a déjà été établie? Je crois qu'en plus, Leeuwenhoek n'allait pas chercher bien loin ces échantillons. Ah ben non, il a essayé de passer tout ce qu'il avait sous la main. En grand curieux, hein, c'est ça qui est admirable. On parlait du poivre tout à l'heure. À la base, lui, il observait donc étant drapier la qualité des tissus, la qualité de la trame des tissus. Mais il va regarder tout un tas de choses, notamment des jus de plantes qu'il a mis à qui ont séjourné un petit peu à l'air libre et où se sont développés des micro-organismes. Il va notamment être le premier observateur. Et d'ailleurs le père, je crois, du nom des infusoires, c'est-à-dire des organismes qui sont assez gros, mais unicellulaires, comme des paramécies, globalement des ciliés, quelques amibes, enfin des organismes qui se déplacent donc sous le microscope. Et il va aussi être le premier à observer les bactéries, c'est-à-dire des petits bâtonnets, d'ailleurs bactérie, ça vient d'un mot grec qui signifie bâton, hein, bacteria, des petits bâtonnets un petit peu partout. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que il était un grand admirateur de Francesco Redi, un Italien qui avait travaillé sur les mouches à viande et qui avait montré que les vers qui donnent des mouches n'apparaissaient pas spontanément dans la viande, mais étaient déposés sous la forme d'œufs par des mouches adultes en mettant sous cloche les morceaux de viande. Et donc Anthony von Leeuwenhoek, quand il fait ses infusions de plantes, il va essayer de les mettre sous cloche également pour voir si ça se développe tout seul ou si ça a besoin d'un contact avec l'air. Et en fait, de ces observations où ça se développe tout seul, eh bien, naîtra, s'alimentera en tout cas, l'idée d'une génération spontanée pour tout ce peuple microbien. En fait, ce qu'il a pas pris en compte, c'est qu'en réalité, ils sont déjà là et ils ne font que proliférer dans l'infusion. Et donc, bon, c'est pas très très probant en termes d'origine, mais quelque part, c'est dans ces travaux que s'alimente l'idée d'une génération spontanée pour ces petits organismes. Et on verra un petit peu l'importance de la microscopie dans la fin de cette théorie de la génération spontanée. Frédéric Haït-Touati, sur cette autre figure de la microscopie qu'est von Leeuwenhoek, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et en quoi, finalement, il est un peu le pendant de Robert Hooke? Ben, moi, ce qui m'intéresse chez Leeuwenhoek, c'est à quel point il a vraiment développé l'aspect vraiment biologique, c'est-à-dire tout. Et il est allé en quelque sorte beaucoup plus loin que Hooke. Hooke, il a fait une démonstration de la puissance, je dirais, symétrique entre le télescope et le microscope. Moi, c'est ça qui me fascine dans Micrographia, c'est que ça va du point d'encre à la surface de la Lune. Hein. C'est un livre qui a une espèce de, je dirais, d'ambition comme ça, de faire l'alphabet du visible, de découvrir un monde invisible. On sent que Leeuwenhoek est sur quelque chose de, peut-être, en quelque sorte, de plus, c'est ce que disaient mes collègues tout à l'heure, de plus expérimental, vraiment d'aller mettre sous le microscope tout ce qu'il a sous la main, sans cette dimension peut-être méthodologique, un petit peu de démonstration du pouvoir de la science moderne. Il y a vraiment un programme de recherche dans le livre de Hooke. Et Leeuwenhoek, parce qu'il a une autre perspective, il fait exploser en quelque sorte les cadres de sa propre époque. C'est peut-être une des différences intéressantes entre les deux figures. Marc-André Sellos, on parle d'expérimentation, on parle d'observation. Dans l'histoire des sciences, à partir du moment où apparaît la microscopie, quelles sont les sciences qui se ruent sur cet instrument et qui y trouvent finalement l'objet rêvé? Ben, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réponse très nette à ça. Je veux dire par là que on commence à observer un petit peu tout. Les botanistes l'utilisent très vite. Il y a des travaux de 1782 par exemple qui décrivent en détail les appareils reproducteurs des mousses. Mais en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sans comprendre exactement ce qui se passe et ce à quoi ça sert, en fait. Dans un peu toutes les disciplines, ou en tout cas sur tous les objets, on assiste à des descriptions de choses auxquelles on peine à donner du sens. Il y a un réveil au 19e, mais j'aimerais vous citer un dernier exemple de ce qu'on d'une observation qui est insensée au sens où on ne lui donne pas le sens moderne. C'est celle que réalise Hartigues, un Autrichien, donc vers 1840, il étudie en détail des racines de plantes, notamment des racines d'arbres, et il voit qu'il y a à la fois des grosses structures, alors ce sont pour lui des cellules, à l'époque on sait déjà que tout est fait de cellules, des grosses cellules, et puis des plus petites, très fines, qui sont en chaînette, qui sont les unes au bout des autres, qui forment des filaments et qui partent tout autour de la racine. Et voilà, et pour lui, c'est la racine. Et un peu plus tard, on s'apercevra en fait que ces filaments sont des filaments de champignons et qu'il y a deux organismes qui s'associent à ce niveau. Ce sont les fameuses mycorhizes, c'est ce sur quoi travaille mon équipe au muséum, à savoir ces interactions entre les champignons du sol et les racines des plantes, et qu'en fait, il y a deux protagonistes en présence. Alors, vous voyez, vu de maintenant, c'est très facile de dire « oui, il n'a pas compris ». Non, c'est beaucoup plus délicat. En réalité, c'est un monde tellement différent qu'on n'est pas préparé à y voir ce qu'on y voit. Je vais vous donner un dernier exemple des surprises du microscope. C'est qu'on va voir des organismes chlorophylliens, donc dotés de photosynthèse, verts, des petites algues unicellulaires par exemple, capables de se déplacer à l'aide de flagelles, et donc qui sont mobiles. Ils se déplacent, et souvent, et d'ailleurs, ils vont s'accumuler vers la lumière, ou ils s'éloignent d'une source de lumière trop puissante qui pourrait endommager leur appareil photosynthétique. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui contredit complètement une évidence de la macroscopie, dans le monde qui nous entoure, les végétaux photosynthétiques sont fixés, immobiles. Les animaux, eux, se caractérisent par la mobilité. Eh bien, sous le microscope, on a des végétaux qui bougent. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement surprenant. C'est complètement inattendu. Et ça surprend beaucoup. D'ailleurs, même en voyant bouger des bactéries, Pasteur ne creuse pas la question, mais en voyant les bactéries de la fermentation butyrique qui bougent, ce sont des petits vibrions, il dit que ça pose vraiment une question que ces organismes considérés comme des végétaux, parce qu'à l'époque les bactéries étaient considérées comme des végétaux, ça pose des questions de voir ces organismes considérés comme des végétaux bouger. Bon, il ne creuse pas la chose, mais il est vraiment très surpris. Et on y reviendra bien évidemment à cette grande figure qu'est Pasteur. Alors si les scientifiques n'arrivent pas forcément à interpréter toutes ces images qu'ils voient au microscope, Paolo Breni, il y a quand même un domaine qui est révolutionné par l'invention du microscope, c'est le domaine de l'optique. En quoi est-ce que le microscope fait avancer cette discipline-là? Ben, je dirais qu'il faut quand même attendre pour des progrès en optique. Il faut attendre le 19e siècle. Alors, pour les lunettes, il y avait un problème. On ne savait pas faire du verre optique, donc du verre pur et homogène, pour construire des objectifs de quelques centimètres. Mais ça, ce n'était pas le problème pour les microscopes où les lentilles sont de l'ordre de millimètres ou quelques millimètres. On trouvait dans la masse de verre, des morceaux purs qu'on pouvait travailler. Le problème, c'est que tout le 18e, pour ce qui concerne la technologie du microscope, voit énormément de progrès techniques. On met à point le système de focalisation, la platine, des micromètres, etc., etc. On construit des objets magnifiques, ça suffit de voir celle qu'il y a dans les musées, les microscopes pour le roi George III en Angleterre, ou le microscope dit de Madame Pompadour qui est en France. Mais c'est des beaux objets, c'est des objets mécaniquement de plus en plus perfectionnés, mais l'optique reste très décevante. De telle façon que jusqu'aux premières décennies du 19e siècle, c'est les microscopes simples et non pas les microscopes composés qui permettent un grand nombre et un nombre d'observations bien meilleur. Il faut à peu près attendre les années 1820-25 pour voir un progrès majeur. Alors, il y a surtout Lister, Joseph Jackson Lister, qui développe une combinaison de lentilles qui efface pour une grande partie les aberrations qui sont données par toutes les lentilles sphériques. Donc l'aberration chromatique et l'aberration sphérique. Ces aberrations sont seulement deux de maintes aberrations qu'on a, ne permettaient pas d'avoir une image définie. Mais il y avait toujours des images avec des halos colorés qui étaient très, très dérangeantes. Lister en Angleterre, Amici en Italie, les Chevaliers en France. En tout cas, là, il y a un vrai progrès pour l'optique des microscopes. Et on va continuer, bien évidemment, juste après la musique, ce voyage dans l'infiniment petit grâce au microscope. Restez avec nous. France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changés pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux dans la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman la touche. C'est dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé, touche pour rôti, contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie. Chante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche. Je me suis fait tout petit de Georges Brassens, reprise ici par le groupe Mustang à 16h38 sur France Culture dans Eureka. Nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de l'invention des microscopes et de la microscopie en compagnie de Frédéric Haït-Touati, historienne des sciences et de la littérature, chargée de recherche au CNRS, en compagnie également de Paolo Brenni, président de la Société des instruments scientifiques, ancien chercheur en histoire des instruments scientifiques et collaborateur au musée Galilée de Florence, et avec nous enfin Marc-André Sellos, biologiste, professeur au muséum d'histoire naturelle. Marc-André Sellos, juste avant la pause musicale, vous évoquiez l'un de ces grands noms des sciences au XIXe siècle, Louis Pasteur. En quoi est-ce que Louis Pasteur est indissociable de l'histoire de la microscopie? Est-ce que finalement c'est lui qui est le premier à vraiment utiliser le microscope dans toutes ses aspérités et dans toute son ampleur? Alors, non, c'est pas le premier, parce qu'il y a eu plein de gens avant qui ont fait des travaux extrêmement détaillés et méthodiques pour voir des microbes et les dessiner. Mais il est le premier à leur donner un sens fonctionnel et un rôle. En fait, il faut bien se représenter que le Pasteur dont je vais parler n'est pas un biologiste, il s'est pas intéressé à la médecine. À l'époque, il est prof à Lille, on est dans les années 1850, et il a fait sa thèse sur les deux formes de l'acide tartrique, hein, qui dévie la lumière dans des sens différents, et tout son talent, ça a été de comprendre qu'il y avait deux espèces d'acide tartrique, et il l'avait fait en regardant de très près les cristaux, et en s'apercevant que ces deux formes d'acide tartrique cristallisait en donnant des cristaux légèrement différents. Ça lui avait permis de purifier les deux formes, etc., etc. Donc, c'est un chimiste. Et un chimiste qui est habitué à regarder la forme. Et quand il est interpellé par le père d'un de ses étudiants à Lille qui fait des fermentations, bon, il fait des fermentations alcooliques en vue de distiller, de produire de l'alcool, mais de temps à autre, sa fermentation donne de l'acide acétique, elle tourne au vinaigre, et ça ne marche pas. Quand il est interpellé, c'est un chimiste qu'on s'adresse, parce qu'on a cette idée, qui notamment est soutenue par l'allemand Liebig, que les fermentations, c'est des processus chimiques. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est de regarder ça de près, toujours ce réflexe, donc là, l'usage du microscope, il va découvrir qu'il y a des ferments. Alors, bon, il découvre pas forcément ça, il n'est pas le premier à l'observer, mais ce qu'il voit et qui montre bien leur rôle, c'est qu'il y en a des gros et ronds, ce sont des levures, dans les cas où ça donne de l'alcool, et dans les cas où il y a une piqûre acétique, eh bien au contraire, ce sont des petits bâtonnets, des bactéries pour le coup. Et donc, il va finalement découvrir que les fermentations sont dues à des microbes. Alors il y aura une grande opposition avec Liebig, qui pense que ce sont des mécanismes chimiques. Et d'ailleurs, au fond, on sait bien aujourd'hui que la fermentation, c'est des mécanismes chimiques qui se passent dans les cellules. Mais il va effectivement être capable, et dans tous ses travaux ultérieurs, de mobiliser le microscope pour expliquer des mécanismes fermentaires d'abord, puis bientôt des maladies. Et ça, c'est un grand tournant que d'autres, comme Cor, opèrent aussi à peu près en même temps au 19e. Quelque part, c'est le moment où le microscope commence à rejoindre des questions scientifiques et sert à donner du sens, à construire des concepts au-delà d'une simple observation et d'une simple description. Paolo Brenni, une réaction à ce que vient de dire Marc-André Sellos. Oui, je suis tout à fait d'accord à ce que mon collègue vient de dire, et je voudrais ajouter simplement que à partir du 19e, à peu près la moitié du 19e, le microscope devient essentiel dans toutes les sciences, ou presque, pas seulement dans la biologie, la médecine, mais dans la pétrographie et dans la cristallographie, avec les microscopes à lumière polarisée, dans la chimie pour observer les réactions, dans la métallurgie pour pouvoir étudier les surfaces des métaux et augmenter l'homogénéité des métaux. Donc, dans les laboratoires, le microscope n'est plus un objet curieux et utile, mais c'est un objet absolument indispensable. Ainsi que, de plus en plus, dans les industries textiles, chimiques, métallurgiques, etc. On parle beaucoup là de l'usage appliqué dans la science du microscope. Ça, c'est aussi un objet qui devient de plus en plus populaire et qui acquiert finalement un usage un peu récréatif, Paolo Brenni. Est-ce que c'est pas si anecdotique que ça, en fait, cette popularisation de l'objet? Vous devez penser que les grands fabricants de microscopes comme Zeiss, à la fin du 19e, ont déjà vendu à eux seuls, hein, pas en sommant leur vente, mais Zeiss, déjà à la fin du 19e, a vendu quelque chose comme 1 million de microscopes. Or, il n'y a pas 1 million de savants, d'ingénieurs, de chimistes. Il faut penser, et les microscopes anglais, c'est la même chose. Il y avait énormément au 19e d'amateurs microscopistes. Il y avait des clubs de microscopie. Et là, aujourd'hui, comme amateur, le terme est un peu méprisant. Amateur, ça rejoint le bricoleur. À l'époque, amateur, c'était simplement quelqu'un qui n'était pas encadré professionnellement dans une académie, dans une université, mais qui avait une passion et souvent des capacités, et il étudiait par exemple la microscopie. Il y a eu énormément d'amateurs microscopistes qui ont fait des observations qui sont restées dans la science et qui ont vraiment contribué à faire des progrès dans un domaine ou dans l'autre. Voilà. Marc-André Sellos, Paolo Brenni évoquait la variété des disciplines dans lesquelles on pouvait avoir recours au microscope. Vous évoquiez tout à l'heure, vous, votre champ d'expertise, la botanique. Il y a aussi un autre domaine, je crois, au 19e siècle, où le microscope prend une ampleur et a une utilité majeure. C'est dans le domaine de l'embryologie. Qu'est-ce qu'on découvre au 19e siècle autour des embryons grâce au microscope? Alors, déjà, bien avant l'embryon, il y a la fécondation. Mmh. Hein, c'est pas si évident, la contribution du mâle et de la femelle, dans toutes les espèces d'ailleurs, hein, à ce qui donnera une nouvelle génération. Et c'est un Français, vers 1854, Turet, qui publie les premières images, alors sur des fucus, sur des algues, hein, des algues du bord de la mer, comme on en a en Bretagne à marée basse. Il montre qu'il y a à la fois, donc certains pieds donnent des grosses cellules rondes, qui sont des ovules en fait, pour faire simple, des oosphères pour dire technique, et puis des petits éléments mobiles qui viennent nager autour, des spermatozoïdes pour faire simple, et des entérozoïdes pour faire, comme on disait à l'époque, pour les végétaux, pour faire savant. Et en fait, il décrit ça, mais il rate complètement la fonction. Là encore, hein, on est vraiment à cette charnière où on va comprendre le fonctionnement. C'est que quelques années plus tard qu'on comprend que, en fait, c'est pas simplement le balai de ces petites cellules autour de l'ovule qui fait le travail, c'est réellement que l'un d'entre eux fusionne avec. Bon, mais ça encore, ce sera des avancées liées au microscope. Hein. J'ai oublié le nom de l'allemand auquel on doit cette avancée-là. Et puis, effectivement, après, cette cellule redonne un organisme. Et au début, cette cellule, évidemment, elle échappe à l'œil, elle est microscopique. Et effectivement, les progrès de l'embryologie sont liés à la capacité de décrire des choses qui se passent au départ en deçà du visible. Si voilà, donc effectivement, tout le développement de l'organisme va passer par là. Et puis, surtout, au 19e, quand même, il s'est passé quelque chose d'important. La légende nous raconte que ça s'est passé lors d'un repas partagé par deux Allemands, Schwann et Scheidon. Alors, Scheidon est un spécialiste des plantes, et il a vu que dans les plantes, les fameuses cellules de Hooke, ben, dans chacune d'entre elles, il y avait une structure dont il ignore complètement le rôle. On sait maintenant que c'est là que sont les chromosomes, le noyau. Et dans la discussion à table qu'ils ont, Schwann s'aperçoit qu'en fait, lui, il a déjà vu dans certaines de ses préparations au microscope des noyaux colorables de la même façon. Et donc, ils vont tous les deux accoucher d'une théorie que publiera Schwann en 1839, qui est la théorie cellulaire, à savoir que tous les organismes sont faits de cellules. Certains sont faits d'une seule cellule, bon, mais beaucoup, enfin d'autres, comme nous, dans le macroscopique, sont faites de beaucoup de cellules. Et ça, c'est un peu la trame du vivant, et c'est quelque chose qui ne nous quitte plus. Maintenant, on comprend bien mieux ce que c'est que la cellule. À l'époque, c'est encore un peu une structure, mais sans vraiment de fonction. Mais là, il y a eu un tournant très important dans notre vision du monde. C'est-à-dire que sans microscope, on n'aurait pas pu poser les fondations de la génétique. Alors oui, bah d'ailleurs, la notion de noyau, donc c'est intéressant d'ailleurs cette notion de noyau, parce qu'au début, on ne sait pas du tout que c'est de là que vient l'information génétique. Hein. Bon, au début, on le doit à Brown. Brown, c'est un biologiste anglais qui est connu pour le mouvement brownien d'ailleurs, parce que il avait observé sous son microscope que un certain nombre de bactéries bougeaient. Et d'un mouvement complètement erratique qu'on a appelé le mouvement brownien. Bon, il n'a pas expliqué pourquoi il y avait un mouvement brownien, et c'est une autre histoire en physique qu'on va pas détailler ici. Mais il avait aussi, et c'est son autre grande contribution à la science, découvert qu'il y avait des noyaux. Bon, et ces noyaux, on en a un par cellule, mais on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Et au début du XXe siècle, on va s'apercevoir que, en travaillant d'ailleurs sur des algues qui sont visibles à l'œil nu, elles, mais en travaillant au microscope ou sous des loupes à très très fort grossissement, en transférant le noyau d'une algue à l'autre, l'algue qui se développe ensuite ressemble à celle dont vient le noyau, mais pas à celle dans laquelle on a introduit le noyau. Et donc, on va comprendre que l'information génétique, l'information qui donne la forme et qui fait le fonctionnement des organismes, est dans le noyau. On est obligé d'avancer un petit peu dans le temps, puisqu'on arrive au XXe siècle, Paolo Brenni, on arrive à une autre innovation majeure dans la microscopie, c'est l'invention du microscope électronique qui a été mis au point en 1931 par des chercheurs allemands. Est-ce que vous pourriez nous expliquer schématiquement à nouveau comment fonctionne un microscope électronique et ce que vient corriger un microscope électronique par rapport à un microscope optique ? Disons, on rentre dans un domaine très complexe. Et il faut dire qu'au début du XXe siècle, avec les études de Abbe qui fait une théorie du microscopique optique en tenant compte de que la lumière est une onde, on obtient, le maximum de ce que peut avoir d'un microscope optique. Mais on peut aller au-delà. Avec la mécanique quantique, et par exemple avec les études de Broglie dans les années 20, on comprend que des particules comme les électrons ont une caractéristique corpusculaire, mais aussi ondulatoire. La différence, c'est que les ondes électroniques ont une longueur d'onde beaucoup plus petite que la longueur d'onde de la lumière visible. Donc, à partir des fin des années 20, début des années 30, on expérimente avec des microscopes qui utilisent des électrons et pas de la lumière visible pour examiner des échantillons microscopiques. Là, les appareils sont tout à fait différents. Il n'y a plus les lentilles en verre, mais les faisceaux d'électrons, au lieu d'être déviés par des lentilles en verre optique, sont déviés par des lentilles électromagnétiques ou électrostatiques qui agissent sur les forces justement électromagnétiques qu'il y a entre les champs électromagnétiques et des particules chargées. Et ça ouvre des possibilités immenses, ça augmente des milliers de fois la pénétration du microscope, et il faut dire aussi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'explosion de l'électronique, tous ces appareils, des microscopes électroniques, en plus avec les ordinateurs, rejoignent des possibilités inimaginables aujourd'hui, inimaginables seulement il y a quelques décennies. Qu'est-ce que permet de voir un microscope électronique que ne permettait pas de voir un microscope optique, par exemple, Paolo Brenni? Simplement, là, vous pouvez voir aujourd'hui avec des microscopes qui utilisent une lumière qui est un 10 millième de la longueur d'onde de la lumière visible, on arrive à voir la structure moléculaire, et avec des types spéciaux de microscopes à scansion, etc., vous arrivez à voir pratiquement la position des atomes sur la pointe d'une aiguille. Chose absolument impensable avec la microscopie optique. Un microscope, la lumière optique ne peut pas voir des choses qui sont plus petites de la longueur de la lumière optique, de la lumière visible. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à ces prémices de la microscopie, à Hooke, à Leeuwenhoek, c'était un petit peu les cartographes du monde microscopique. Et avec ces microscopes électroniques, on arrive à un petit peu au niveau du GPS, Marc-André Sellos. Si on en revient à la microscopie optique, je pense à la microscopie à fluorescence notamment. Qu'est-ce que ça nous permet de voir, et en quoi, là, à nouveau, on atteint des degrés de précision aujourd'hui très, très précis? Alors ça, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que ce qui compte, c'est de bien préparer l'échantillon. Mmh, oui. Notamment un microscope électronique où il faut le contraster, c'est très important. Et alors aujourd'hui, on a des méthodes de préparation qui permettent des choses absolument fabuleuses. Par exemple, on peut prendre un anticorps qui reconnaît une certaine protéine ou une certaine structure dans la cellule, fixer dessus un pigment fluorescent et le laisser s'attacher à la préparation, puis regarder où est-ce qu'il se situe dans la cellule sous le microscope. D'ailleurs, ça peut marcher aussi avec le microscope électronique. Il suffit de mettre sur l'anticorps un grain d'or qui fera un petit point noir en microscopie électronique. Dans mon laboratoire, par exemple, on utilise pas mal, donc au muséum, des méthodes de fluorescence où on prend un petit morceau d'ADN qui est spécifique d'une espèce d'organisme donné. On fixe dessus, là encore, une molécule fluorescente. Et puis, on met la préparation qu'on va mettre sous le microscope dans des conditions où cet ADN va s'attacher à de l'ADN qui lui ressemble. Et ça nous permet de voir où sont certains microbes dans une racine ou bien dans un morceau de sol. Vous voyez, ça permet de faire des détections très très précises. Donc, effectivement, il y a tout un tas de variantes de la microscopie qui sont apparues et qui sont non seulement des variantes dans les méthodes d'observation, ici on capte la fluorescence, mais aussi dans les méthodes de préparation. Et la microscopie est restée un compagnon étroit de tout un tas de disciplines en biologie, et alors sans doute ailleurs, mais là moi je peux moins en parler, comme le disait mon collègue, effectivement, c'est un compagnon de beaucoup de disciplines aujourd'hui, oui. Le microscope, car le monde, il est plus petit que nous le croyons. Frédéric Aitouati, quel parallèle on peut établir entre un Robert Hooke et un chercheur de 2021 comme Marc-André Sellos qui se sert d'un microscope aussi précis? Quel est le fil rouge finalement? Oh, il y en a plusieurs, mais moi, en vous écoutant, ce qui me frappe, c'est la permanence de cette passion-là, qui est une passion du regard, c'est de voir l'invisible. Et l'autre chose aussi dont on a peu parlé peut-être, c'est la proximité entre biologie et art. C'est-à-dire que on en a parlé un petit peu tout à l'heure à propos du 19e siècle, l'une des choses qui passionne pas seulement les savants, mais tous les gens qui s'équipent de microscopes, c'est d'aller observer la beauté du monde, même dans ses plus petits êtres. Et là, c'est peut-être l'un des fils rouges. Et puis le troisième qu'on pourrait tirer, peut-être, c'est vraiment la question philosophique de savoir avec qui on partage le monde, puisque finalement, le monde macroscopique autour de nous, c'est le monde à notre échelle. Et c'est toujours assez fascinant de se dire que on peut descendre de plus en plus et voir de plus en plus des choses qui, elles aussi, peuplent le monde. Et ça, c'est peut-être, je reparle aussi de ce qu'on a abordé tout à l'heure, mais la question de Pasteur, c'était brusquement de se rendre compte que le monde est beaucoup plus peuplé que ce qu'on croit. Et on ne cesse finalement, c'est peut-être le point commun entre un Robert Hooke et un Marc-André Sellos, c'est de se dire que finalement ce sont des gens qui ne cessent de repeupler le monde et de le peupler de manière encore plus riche et foisonnante que ce qu'on pouvait imaginer avec notre regard nu. Eh bien, ce sera le très joli mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Paolo Brenni, Frédéric Aitouati et Marc-André Sellos, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure autour de cette question passionnante de l'invention des microscopes. Et comme tous les jours, on se quitte en musique avec aujourd'hui Glass of the Microscope par Yi Sayer. Merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Umdenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Elig, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain à 16h, nous embarquons pour l'Égypte et nous vous raconterons l'histoire de la découverte de la pierre de Rosette. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. L'esprit d'ouverture.